Chapitre 7. Les virtuoses. Ophélie avait l'habitude d'être petite. Pourtant, lorsqu'elle pénétra dans le mémorial, elle se sentit plus minuscule que jamais. L'intérieur de la tour formait un atrium monumental autour duquel les étages s'enroulaient comme des anneaux parallèles. Le soleil traversait les innombrables vitres de la coupole, faisant étinceler les reliures des ouvrages, les lunettes des lecteurs et le métal des automates. Le silence était ici d'une telle densité qu'une page tournée produisait l'effet d'un coup de tonnerre. Ophélie fut prise de vertige quand elle s'aperçut qu'il n'y avait ni escalier ni ascenseur. Les visiteurs accédaient aux étages en empruntant de grands couloirs verticaux. Il y avait des salles de consultation aménagées jusque sur les plafonds. Voir tous ces gens et toutes ces collections sans dessus-dessous était une expérience plus folle encore que voyager à l'aide de toilettes publiques. L'espace d'un battement de cœur, Ophélie se sentit vibrer à l'unisson avec les milliers d'objets anciens qui l'entouraient, puis la réalité se rappela à elle. Par où commencer ses recherches ? « Vous avez un côté préféré, miss ?» murmura Ambroise aussi bas que possible. « Un côté ?» La moitié du mémorial est consacrée au patrimoine de Babel et l'autre moitié au patrimoine des autres arches. Chez nous, tous les édifices publics sont jumeaux. Ambroise désigna la gouttière en cuivre qui traçait une ligne de démarcation au sol sur l'ensemble du diamètre de la tour. Ce trait soulignait la différence temporelle entre la partie originelle du bâtiment, tout en vieille pierre, et celle qui avait été reconstruite après l'effondrement lié à la déchirure. « C'est le passé de Babel qui m'intéresse, » dit Ophélie en se tournant vers la moitié la plus ancienne. Alors qu'il se dirigeait vers l'un des couloirs verticaux, Ophélie leva les yeux jusqu'à une statue automate qui, boulonnée à son socle, ne cessait d'incliner et redresser son buste pour accueillir les visiteurs. Une inscription indiquait qu'il s'agissait du premier mécène de luxe, ayant contribué à subventionner le mémorial. « Parce que la connaissance sert la paix », déclamait sentencieusement la plaque commémorative. En hissant plus haut le regard, Ophélie aperçut un gigantesque globe de l'ancien monde qui flottait en apesanteur sous le dôme de verre. Un monde intact, un monde oublié, un monde auquel elle avait la ferme intention d'arracher ses secrets. Elle se crispa en voyant le fauteuil d'Ambroise s'engager sur une rampe courbe qui permettait de basculer en douceur de l'horizontalité du hall à la verticalité d'un couloir. En quelques secondes, il se mit à rouler le plus naturellement du monde le long du mur, sans même perdre son turban en route. « Miss !» chuchota-t-il quand il s'aperçut qu'Ophélie ne le suivait pas. « Je n'ai jamais fait ça. »« Prendre un transcendium ? C'est d'une simplicité enfantine. Marchez droit devant, sans vous poser de questions. » Ophélie s'était attendue à sentir son estomac protester en même temps que son centre de gravité. Mais elle n'eut à aucun moment l'impression de se soustraire à la force d'attraction terrestre. Les transcendiums se montaient et se descendaient aussi simplement qu'on parcourt un couloir ordinaire. Elle eut toutefois une drôle de sensation quand, au bout de quelques pas, son regard tomba sur le hall qu'elle avait laissé en contrebas. C'était comme si la tour entière s'était renversée sur elle-même. « Les transcendiums et les salons d'envers sont l'œuvre des cyclopéens, engagé par le Memorial, » dit Ambroise, dont le fauteuil glissait sur le marbre dans un cliquetis de rouages. « Ainsi va Babel. Dès qu'une invention étrangère nous plaît, on l'adopte et on l'adapte. » Ophélie sursauta. Quelque part dans un repli de sa toge, la montre de Thorne s'était soudain ouverte et refermée toute seule en un tac-tac exclamatif. Avait-elle fini par l'animer à force de la manipuler ? Déconcentrée, Ophélie se cogna à un balayeur qui se tenait au milieu du transcendium. Il était si grand et si mince et si barbu qu'il ressemblait à son balai. « Je me sens mal chaque fois que je le vois. » avoua Ambroise. « Le balayeur ? » s'étonna-t-elle en vérifiant que la montre s'était calmée. « Pourquoi ? » « Mon père a toujours lutté contre la domestication de l'homme par l'homme. » Les mémorialistes devraient mettre un automate à la place de ce vieillard, comme ils l'ont fait avec le reste du personnel d'entretien. Ophélie réalisa qu'en effet, où qu'elle tournât les lunettes, les mannequins de Lazarus étaient là, discrets et omniprésents, astiquant les vitrines et époussetant les livres. Quitter le transcendium fut d'une facilité aussi déconcertante qu'y accéder. Il suffisait de suivre la courbe du sol qui desservait l'étage. Ambroise la guida à travers le labyrinthe des livres et des collections. Les visiteurs autour d'eux étaient parfaitement silencieux, chacun mettant la plus extrême application dans ses recherches. Ophélie les enviait. Pour sa part, elle n'avait pas la moindre idée de ce qu'elle cherchait. Elle avait espéré que la mystérieuse mémoire qu'elle partageait avec Dieu depuis la lecture du livre de Farouk se débloquerait d'elle-même en visitant le mémorial. Il n'en était rien. Hormis ces vieilles pierres, le bâtiment n'avait probablement pas conservé grand-chose de l'école où les esprits de famille avaient vécu autrefois. Ce n'était désormais plus qu'un coquillage. La forme de vie qui l'avait habitée avait été depuis longtemps remplacée par une autre. Au détour d'un rayonnage, Ophélie s'arrêta devant une affiche. « La bonne famille cherche des virtuoses. Vous êtes un mémorialiste dans l'âme, vous avez un don pour traquer l'information. L'histoire et l'avenir vous passionnent, devenez avant-coureur au service de la cité. » « C'est pour les groupes de lecture de Sir Henry, » chuchota Ambroise. « Il recrute toute l'année. » Il leva sa main, la gauche qui se trouvait à droite, et Ophélie hissa les lunettes vers le plafond de l'étage supérieur. Des dizaines d'étudiants en uniforme y étaient assis, la tête en bas. Ils se trouvaient dans des boxes de lecture et prenaient activement des notes. « Ce sont tous des virtuoses ?»« Des apprentis virtuoses, » rectifia Ambroise. Il en existe plusieurs corporations. Ceux-là sont des avant-coureurs, des spécialistes de l'information. Ça fait plus d'un an que je les vois travailler là-haut pour le nouveau catalogue du mémorial. Ils passent des heures et des heures à lire. Je ne sais pas où ils en sont, mais j'espère qu'ils auront bientôt fini. On ne peut emprunter aucun ouvrage pour le moment, juste en consulter sur place. Chut! L'un des étudiants s'était interrompu dans sa lecture pour regarder en bas, ou en haut, selon le point de vue, en direction d'Ophélie et d'Ambroise. Il fronça les sourcils dès qu'il s'aperçut qu'elle portait des toches blanches. « Vous n'avez rien à faire ici, les impuissants !»« Le mémorial est accessible à tout le monde, » lui répondit Ambroise avec douceur. « Nous sommes des filles d'Hélène. » « Un impuissant ne devrait même pas avoir le droit de prononcer le nom de Lady Helen !» rétorqua l'étudiant. Ophélie avait remarqué que les babéliens aspiraient fort leur hache, mais celui-ci avait prononcé le nom d'Hélène comme s'il voulait s'en emplir tout entier, comme s'il lui appartenait personnellement. Ambroise tourna la manivelle de son fauteuil et s'éloigna dans un ronronnement mécanique. Il reprit sa visite guidée comme si rien de notable ne s'était passé. Ophélie le regarda plus qu'elle ne l'écouta. Se faire traiter d'impuissant en public était donc si habituel pour lui. Son père était l'inventeur de tous les automates des environs. Il aurait pu se servir de son nom pour moucher cet étudiant. « Vous êtes quelqu'un de bien. » Ambroise fut si déstabilisé par la spontanéité d'Ophélie qu'il faillit perdre le contrôle de son fauteuil. « C'est plutôt que je déteste les conflits, » bredouilla-t-il avec un sourire gêné. « Je réalise que je vous ai encore imposé ma présence, miss. » « Je vous laisse visiter le mémorial à votre guise. Je vais voir les brevets des inventions au dernier étage. Ça a toujours eu le don de me faire rêver. Nous nous retrouvons dans le hall, à midi ?»« C'est entendu. » Lorsqu'elle se retrouva à déambuler seule au milieu des rayonnages et des vitrines, Ophélie mesura soudain à quel point elle se sentait nerveuse. Elle ne cessait de plonger la main dans sa toge pour serrer la montre de Thorne. Dès qu'elle croisait un homme un peu plus grand que la normale, elle ne pouvait s'empêcher de se retourner sur son passage avec un battement chaotique dans la poitrine. C'était absurde. Quand bien même Thorne serait déjà venu enquêter au mémorial, il était improbable qu'il y fût à cet instant précis. « Ce n'était peut-être pas une si mauvaise chose », songea-t-elle en croisant des vigiles pour la troisième fois. Le mémorial faisait l'objet d'une haute surveillance. Ce n'était pas un lieu de rencontre idéal pour deux fugitifs. Ophélie vagabonda longtemps au hasard des salles. Elle examina de près les collections, peintures, sculptures, céramiques, orfèvreries, mais aucune d'elles ne semblait avoir appartenu à l'ancienne école. Il n'y avait pas non plus d'archives militaires, À croire que même ici, où était censée reposer la mémoire de l'humanité, il ne subsistait rien des guerres d'autrefois. Je résonne comme une table basse, se rabroua Ophélie. Si cet endroit avait été jadis une école, c'est au département jeunesse qu'elle aurait des chances de trouver quelque chose. Elle consulta le plan des lieux, puis emprunta deux transcendiums. C'était à chaque fois une expérience étrange de marcher tantôt de travers, tantôt à l'envers. Une fois dans la galerie pour enfants, Ophélie lut les plaques des étagères. Alphabet et abécédaire, principes savants, éducation civique, allégorie du temps jadis, etc. Elle croisa une classe d'écoliers remarquablement calme pour leur âge. En ce qui la concernait, elle ne se sentait pas tranquille du tout. Plus elle parcourait les rayonnages, plus elle sentait l'angoisse monter. Et s'il n'y avait tout simplement rien à trouver? Si Dieu avait pris soin de ne pas laisser la moindre trace de son passé ici? Si Thorne avait débouché sur la même impasse? S'il était reparti de Babel depuis longtemps? Y avait-il seulement mis les pieds? Alors que le doute lui faisait tournoyer la tête, Ophélie percuta de plein fouet un chariot devant elle. Les livres qui y étaient entreposés se déversèrent dans un déluge de papier et, pour ajouter à la confusion, elle fit tomber son propre sac dont le contenu se répandit sur le sol. L'homme qui poussait le chariot ne se mit pas en colère. Il se contenta d'un soupir et de ramasser ses livres avec des gestes fatalistes. « Je suis désolée. » chuchota Ophélie en s'agenouillant à côté de lui, incommodée par sa toge. « Vous n'avez pas à l'être, miss. Je suis seul fautif. » L'homme avait dit cela d'une voix désabusée, le dos voûté, comme s'il portait sur les épaules le poids des péchés du monde. La plaque « commis » était épinglée à son uniforme. Ophélie récupéra ses effets personnels, mais il s'était si bien mélangé au livre pour enfants qu'elle retrouva son faux certificat d'identité pris dans les pages de l'un d'entre eux. « Évidemment, encore et toujours vous. » Une femme s'était approchée avec une discrétion féline. Son insigne indiquait qu'elle travaillait au mémorial en tant que maître censeur. Ses oreilles, élancées et triangulaires comme celles d'un chat, étaient dressées de dédain. Une acoustique. « Jetez des livres par terre, des livres dont je vous avais confié la responsabilité. C'est une offense, autant pour mon ouïe que pour mon travail. » La mémorialiste s'exprimait d'un ton très bas, presque inaudible, comme si le son de sa propre voix lui était insupportable. « Pardonnez-moi, Miss Silence, » répondit le commis sans cesser de ranger les ouvrages sur le chariot. Ophélie voulut intervenir, expliquer que la faute lui revenait, mais la mémorialiste la coupa dans son élan. « Vous êtes et vous resterez un éternel subalterne. Vous n'avez aucune ambition. Mais tel n'est pas mon cas. Alors de grâce, » « ne m'éclaboussez pas de votre incompétence. Emmenez ce chariot jusqu'à mon service et ne renversez plus rien. »« Oui, mais silence. » Le commis chargea les derniers livres et longea le couloir, sa tête si engoncée qu'elle semblait sur le point de disparaître au fond de son corps. Les oreilles de la mémorialiste pivotèrent aussitôt vers Ophélie, précédant de peu le mouvement de ses yeux. « Quant à vous, ouvrez votre sac. » Ophélie serra sa bandoulière avec force. Cette femme lui inspirait une telle antipathie qu'elle recula prudemment. Ce n'était vraiment pas le moment pour ses griffes de se manifester. « Pourquoi ?»« Parce que je vous l'ordonne. »« Il n'y a rien dans mes affaires qui vous concerne. » La mémorialiste eut une grimace suspicieuse, un tantinet écœuré, et Ophélie prit alors conscience de l'état de son sac. À force de le traîner et de le perdre, elle avait transformé ce très respectable bagage en une guenille répugnante. Ça, petite sans pouvoir, c'est à moi d'en juger. Depuis que nous ne prêtons plus les livres, nous envoyons défiler des chapardeurs. Ouvrez votre sac. Ophélie sentit une goutte de sueur rouler sur son cou. Obéir reviendrait à exposer ses faux papiers, et ce n'était pas quelque chose qu'elle souhaitait soumettre à une documentaliste professionnelle, aussi soupçonneuse de surcroît. « Vous préférez peut-être que j'appelle la sécurité ?» La mémorialiste avait chuchoté sa question en tirant sur la chaînette de son uniforme, révélant un sifflet à son bout. Alors qu'Ophélie se demandait comment se tirer de cette situation, il y eut un retentissant bruit de pétarade. La femme lâcha son sifflet pour se boucher les oreilles. À peine la déflagration fut-elle retombée qu'une voix tonitruante amplifiée par un mégaphone résonna à travers tous les couloirs. « Réveillez-vous, citoyens, ce mémorial n'est qu'une vaste blague. On nous ampute de notre passé, on nous ampute de notre langue. À bas l'index, mort au censeur !»« Encore lui !» souffla la mémorialiste d'un air offusqué. Elle détourna son attention d'Ophélie qui profita de la diversion pour détaler. Les lecteurs avaient tous levé le nez de leur livre avec une expression choquée tandis que la voix du mégaphone scandait « Mort au censeur ! Mort au censeur !» avant de céder la place à un silence brutal. Soit l'agitateur avait été arrêté, soit il s'était enfui. À bout de souffle, Ophélie rejoignit l'atrium où l'attendait déjà Ambroise. Nonchalamment assis dans son fauteuil roulant, sourire en coin, il ne semblait pas troublé par l'incident. « C'est le sans peur et presque sans reproche, » expliqua-t-il. « Il faut toujours qu'il vienne perturber la tranquillité des lieux. Il rugit beaucoup, mais il ne mord pas. Il ne vous a pas effrayé, j'espère. » Ophélie se contenta de secouer la tête. Si elle prenait la parole, là, maintenant, sa voix trahirait son désarroi. Cette visite au mémorial était une calamité. Son sac lui pesait, comme si c'était son propre moral qu'elle portait en bandoulière. Ambroise l'observa de ses doux yeux d'antilope. « Vous savez, miss, le mémorial n'est pas un endroit qui se visite en une demi-journée. Je viens ici régulièrement depuis des années et il y a encore tout un tas de choses que je ne connais pas. » Il leva le visage d'un air éloquent et Ophélie suivit son regard. Le gigantesque globe terrestre qui gravitait au-dessus d'eux les plongeait entièrement dans son ombre. « Ce n'est pas un simple globe décoratif. » enchaîna Ambroise dans un murmure rêveur. C'est le secrétarium. Y sont entreposées toutes les collections non accessibles au public, les plus rares et les plus anciennes. On raconte qu'il y a une chambre forte là-dedans et que dans cette chambre se trouve l'ultime vérité. Bien sûr, c'est une légende pour faire rêver les marmots, mais je crois que la chambre forte existe bel et bien. Le cœur d'Ophélie, qui pesait au fond de sa poitrine un instant plus tôt, se mit à tambouriner comme un fou. « L'ultime vérité ? » chuchota-t-elle. Ambroise lui lança un regard oblique et décontenancé par l'émotion qui avait coloré ses lunettes. « Je vous l'ai dit, je n'ai qu'une légende qu'on raconte aux enfants. Il ne faut pas la prendre au sérieux. » Ophélie la prit très au sérieux. Au contraire. « Comment entrer dans ce secrétarium ?»« C'est impossible, miss, » répondit Ambroise, de plus en plus déconcerté. « Il n'est même pas ouvert aux citoyens. Seuls les avant-coureurs y ont accès, et encore, les plus virtuoses d'entre eux. » Ophélie contempla le globe qui, en cet instant, se superposait si parfaitement avec le soleil de midi qu'il produisait l'effet d'une éclipse. Il n'était relié à aucun étage du mémorial, ne disposait d'aucune passerelle et ne laissait rien voir des salles secrètes qui l'abritaient. Une pensée soudaine la ramena aux étudiants des boxes de lecture et à la fiche de recrutement. « Dans ce cas, je serai virtuose, » déclara-t-elle à la stupéfaction d'Ambroise.